Si t'es de Dieu. Si t'es de Dieu. Si t'es de Dieu. Peufra, peufra, peufra. Si t'es de Dieu. Mélange couleur, urine dans ma vitelle. Demain j'arrête mais demain je mets replay. J'ai pas de piston dans le monde de la musique. Je reste dans mon coin, dans ma cuisine. Je prépare moula, wesh, peufra et la neige. T'as fait, tu fais de la merde. Tu feras de la merde, toujours de la merde. Classique comme paquet 10 comme paire de gazelles. Classique comme clip de Wu-Tang sur cassette. Classique comme la scène du miroir à Cassel. Pas commentaire quand on m'enterre, amen. Gobelet, codé, iné, ramène. Sur messagerie quand Framus fait un rappel. H la frappe, Chicago et le cartel. Comme Moïse ta mère je vais écarter. Je suis dans ton cul, je me sens bien comme au quartier. Je suis dans ton cul, je me sens bien comme au quartier. Pas de bonheur pour tant écarté. Pas de bonheur pour tant écarté. Je vais les wet et les wet sans les rater. Je vais les wet et les wet sans les rater. De la cité de Dieu, on sait bien que t'es radié. Grandis comme on pouvait, grandis comme on pouvait. Je suis bon, je suis belé. Je suis bon, je suis belé. Trahi par ses pédés, trahi par ses pédés. Tu sales, c'est sale idée. Tu sales, c'est sale idée. Je suis dans le sale, ils le savent. Je suis dans le sale, ils le savent. Wesh, wesh. Je suis dans le sale, ils le savent. Je suis dans le sale, ils le savent. Wesh, wesh. T'es dans le simple et le falche. T'es dans le simple et le falche. Wesh, wesh. Je suis dans le sale, ils le savent. Je suis dans le sale, ils le savent. Wesh, wesh. Indépendant, pas de misolière. Je suis sur le texte, je fais mal comme la molaire. Je suis de la frappe, juste à l'odeur. Tu puis de la, juste à l'odeur. Suffit un week-end à l'OKML pour te faire sauter l'hymen. Les femmes ne dominent pas. La seule femme qui domine est dominicaine. Compare pas à Rebeu, je t'ai dit vénère début. Semaine, sourire viendra jeudi. Comme si ce week-end j'allais te chérie. Cherche ton dernier stick, peufra qui est tombé comme un trésor. Ils nous donnent que le smic pour vivre, donc on vendra de la mort. J'ai pris le mic, j'avais 13 ans, eh. T'arrêtes le rap, t'avais raison, eh. Ville pointe, les rails sont emprisonnés. Quartier et vite, ça fait bizarre, eh. Faut de l'oseille, marre d'être locataire. VDB m'a dit, y'a un truc à faire. Bat le fer tant qu'il est chaud. Et fric le dire tant qu'il est chaud. Grandis comme on pouvait, grandis comme on pouvait. J'suis bon, je suis belé, j'suis bon, je suis belé. Trahi par ses pédés, trahi par ses pédés. Du sale, c'est sale idée, du sale, c'est sale idée. J'suis dans le sale, ils le savent, j'suis dans le sale, ils le savent. J'suis dans le sale, ils le savent, j'suis dans le sale, ils le savent. T'es dans le simple et le falche, t'es dans le simple et le falche. J'suis dans le sale, ils le savent, j'suis dans le sale, ils le savent. J'viens d'en bas comme un hit-kick, j'vais me relever comme un hit-kick. Prenez Rami et Fekir, on a marré ce bras et vie. Y'a plus de petits, fais pas l'ancien. Y'a plus de petits, fais pas l'ancien. Si t'es